Le peintre, chapitre 1. Il se fiche de moi, ce vieux serin, murmura Jean, lorsque le peintre d'Urana, son maître à l'école des beaux-arts, lui recommanda de venir plus fréquemment à la salle des antiques et de copier les grands modèles. Jean ne s'attendait pas à cette monotonie des débuts. Et quoi? Toujours copier des bras, des torses, des jambes, depuis 6 mois qu'il était là? Pourquoi ne pas lui faire dessiner des nez, comme à l'école primaire? Son anatomie, il la connaissait mieux que son professeur. Les lignes, il les avait toutes dans l'œil. Et la peinture? Des ânes, ses professeurs, et des idiots, les élèves qui les écoutaient. Sérapin, frais sorti du collège, affectant des airs voyous, et trouvant spirituelles des farces sans nom, ne l'intéressait que médiocrement. Tous les jours, c'était à l'atelier des charges dont il était victime en sa qualité de nouveau. Avec ses poings solides, il aurait taloché ses galopins, mais il dédaignait d'user de ce moyen. Non, il ne s'attendait pas à cette vie stupide des premières années de l'école, et il était bien décidé à la quitter. C'est ce qu'il fit. Jean achètera des toiles et des couleurs. Il louerait un atelier à bon marché, vers Montparnasse. Et sans autre maître que les grands peintres morts, dont il irait souvent voir les œuvres au Louvre, il travaillerait, libre de faire à sa convenance. Le salon était là, n'est-ce pas? Le public et les artistes le jugeraient. Mais en ce moment, il ne fallait pas songer à l'atelier. Les premiers mois de séjour à Paris lui avaient coûté cher. Il avait trouvé, rue Jacob, un mastroquet qui lui faisait crédit pour sa nourriture. Et bien malgré lui, Jean avait dépensé son argent en livres, en cigares, en journaux, en dessins, en habits et en courses de voiture. Il fallait bien qu'il s'habillât plus élégamment qu'à Saint-Pierre-sur-Dive, qu'il lût les plus récentes productions littéraires, et qu'il connût toutes les rues de ce Paris qu'il conquérerait. Depuis sa sortie de l'école des beaux-arts, Jean menait un train de vie qui plaisait à sa paresse. Il se levait à 10 heures du matin, déjeunait, puis après le café pris, en lisant les journaux, commençait ses courses dans Paris. En sortant de la rue Jacob, il allait sur les quais, où les étalages des bouquinistes le retenaient quelque temps. Puis, en passant sur les ponts où des attroupements se formaient, il s'arrêtait pour voir des gens baignant des chiens. Son amour de la flânerie l'invitait à descendre sur la berge, et il marchait lentement, chauffé par le soleil, étonné de voir coucher au bord de l'eau des hommes déguenillés, dont la misère l'intéressait et dont il pressentait les mœurs, s'amusant à bâtir un roman et reconstituer une vie sur une physionomie. Parfois, il prenait le bateau et descendait au bout du parcours, à Bercy ou au point du jour. Ce dernier endroit lui plaisait davantage, parce que là, il retrouvait la campagne. Il suivait les fortifications et poussait jusqu'au bois de Boulogne, longeait les allées fréquentées par le monde élégant et revenait à pied par l'avenue des Champs-Élysées, la rue Royale et les boulevards. Si quelque affiche de théâtre attirait ses yeux, il décidait de l'emploi de sa soirée et allait jusqu'au café fréquenté pour prendre l'absinthe. Il avait souvent eu le désir d'entrer à Tortoni, où il savait que se réunissaient nombre de Parisiens connus. Mais une timidité le retenait, et il restait sur la terrasse. En prenant son absinthe, il se nommait tout bas les gens qui allaient et venaient, et qu'il connaissait d'après son stock de photographies. Après le dîner, avalé à la hâte, dans quelques restaurants à 25 sous, Jean allait prendre la queue à un théâtre, où il se plaçait au parterre. Le Français, la Porte Saint-Martin, l'opéra comique étaient les seules scènes qui lui plaisaient. L'opéra l'ennuyait. Au Palais-Royal, on ne jouait que des pièces dont la fantaisie exubérante choquait son bon sens. Et les opéras bouffes, joués sur les petits théâtres, lui semblaient une insulte à l'art sacré. D'autres journées se passaient à flâner aux Tuileries, au Luxembourg, pendant l'après-midi. 2 fois seulement, il était allé visiter le musée du Louvre, mais il avait été étonné de constater que la peinture l'y intéressait moins que les collections égyptiennes. Il était resté de longues heures à rêver devant les sphinx et les momies, songeant à ces civilisations disparues. Une mélancolie douce s'était emparée de lui. Depuis quelque temps, Jean, qui ne connaissait personne à Paris, avait non pas la nostalgie de son pays, mais une très légère souffrance de sa solitude, et sans regretter d'avoir quitté sa famille, il se surprenait à désirer qu'il pût être à la fois à Paris et à Saint-Pierre-sur-Dive. Il était pris des besoins de tendresse, écrivant à sa mère et à son oncle des lettres courtes, mais où de la douceur chantait dans les mots. Jean ne parlait point de la peinture, ni de ce qu'il faisait, mais simplement il renouvelait l'assurance de ses succès futurs, et disait à ses parents combien il serait alors heureux du bonheur dont il les entourerait. L'oncle répondait « Travaille, travaille l'héritier, travaille, et tu nous feras plaisir. » La mère n'avait qu'une formule « Je veux bien croire tout ce que tu nous dis, mais j'ai bien peur que tu ne réussisses pas, et peut-être tu aurais mieux fait de rester à la médecine. Enfin, j'espère et t'embrasse comme je t'aime, ainsi que ton père, qui est bien triste depuis ton départ. » Jean recevait régulièrement son moi. Il était peintre, et pourtant il n'avait pas encore touché un pinceau. Il avait gardé dans un carton toutes ses études au crayon faites à l'école des beaux-arts. Sa boîte à tubes, sa palette et ses pinceaux, achetés à son arrivée à Paris, étaient déposés dans un tiroir de la commode. Il aurait bien barbouillé quelques toiles dans sa chambre, copié des natures mortes, mais ne valait-il pas mieux attendre qu'il eût un atelier bien éclairé pour commencer le travail ? Dans cette chambre d'hôtel meublée, sombre, triste, donnant sur une cour étroite et sale, il n'avait pas de cœur au travail. Quand il aurait de l'argent, il prendrait des modèles et du coup accoucherait d'une œuvre à effet qu'il avait composée pendant ses insomnies. Il faut débuter carrément. Il était peintre d'histoire. Il ferait sur une toile de 7 mètres de large sur 4 de hauteur. Tamerlan guide dans les Tartares à la conquête du Khorassan. Voici le sujet à traiter. Tamerlan à cheval, entouré d'un brillant état-major, contemple l'égorgement qu'il a ordonné de 2000 vierges, que les habitants ont envoyées à sa rencontre pour le fléchir. J'en y mettrai toute la poésie de l'Orient.